vraiment une grâce encore pour nous de pouvoir bénéficier des sages conseils de Dieu. Et je voudrais dire encore merci pour tout ce que Dieu a fait pour nous. C'est qu'il y avait des gens qui étaient souffrants pendant la semaine. Il y avait des gens qui avaient voyagé. Nous avons eu des nouvelles aussi de nos frères qui sont loin de chez nous. Vous avez le bonjour du frère Moumouni et aussi du frère Jacob. J'ai reçu leur mail hier et Moumouni m'a dit qu'il a commencé à s'adapter au froid. Jacob a dit que nous sommes loin, c'est pourquoi il ne pouvait pas partager la denne avec nous. Bon, j'ai dit qu'il n'y a pas de problème, il va payer quand il viendra. Donc, nous voulons vraiment dire merci à Dieu pour cette grâce dont nous bénéficions et surtout l'occasion de pouvoir encore écouter la parole qui vient de la Bible. Cela fait un bon bout de temps que nous parlons toujours de disciples. Et si vous vous rappelez, le dimanche passé, cette illustration de ce bâtiment, 20 étages, sans escalier et sans ascenseur, qu'il fallait, au sommet duquel il fallait monter, et la conclusion était que c'était vraiment difficile. Lorsqu'on parle du disciple, sa formation exige beaucoup de choses. Et j'avais également dit, avant de pouvoir former un disciple, il faut que nous-mêmes nous soyons des disciples. Et si vous vous rappelez, au début, j'avais dit que le disciple dont nous parlons est bien particulier. Parce que la définition nous dit, le disciple, c'est celui qui suit la doctrine de son maître. Mais la doctrine dont nous parlons ici, c'est celle de la parole de Dieu. Et le disciple de Jésus est bien sûr quelqu'un de bien particulier. Il ne ressemble pas aux autres disciples. Et ce matin, nous allons voir un texte qui va nous donner en substance qu'est-ce que ce disciple et les obstacles qui se trouvent devant lui. Et cette partie, si vous vous rappelez bien, c'est la deuxième étape lorsque l'on parle du disciple. La première étape, vous vous rappelez, c'est « viens et vois », n'est-ce pas? La deuxième, c'est « suis-moi ». La troisième, « reste avec moi ». Et la quatrième, « demeure en moi ». Et je vous ai dit que chacune de ces étapes, il y avait beaucoup de choses à apprendre dans chacune de ces étapes-là. Dans cette étape, si on s'engage dans la formation de disciples, dans cette étape, « suis-moi », il faut à peu près 9 mois pour pouvoir réellement préparer quelqu'un à aller jusqu'au bout de cette étape-là. Et lorsqu'on dit « suis-moi », je vous ai déjà dit que cela exigeait déjà un engagement. Si quelqu'un dit « suis-moi », si vous acceptez de suivre, ça veut dire que vous êtes engagé, n'est-ce pas? Si vous n'êtes pas engagé, vous n'allez pas le suivre. Et le suivre, cela exige un certain nombre de choses. Celui qui ne connaît pas Christ, qui commence à suivre pour connaître qui il est, vous voyez, c'est un apprentissage déjà de certains éléments des habitudes chrétiennes. Et cela n'est pas simple. On ne va pas avec une certaine manière de cacher les choses, non. Si quelqu'un dit « suis-moi », si vous êtes d'accord pour le suivre, s'il va à Kaya, vous le suivez jusqu'à Kaya, n'est-ce pas? Si vous décidez de le suivre, s'il va à Bobo, vous allez jusqu'à Bobo. Donc cet engagement déjà montre qu'il y a des choses qu'on va vous dire et la personne doit être prête à suivre. Et notre texte de base se trouve dans Luc au chapitre 14. Nous allons lire un certain nombre de versets. Donc si quelqu'un a Luc 14, les versets 25 à 35 dans la version français courant, je lui donne la priorité de lire à haute voix pour nous. Luc 14, 25 à 35. Je pense qu'il y a des gens qui ont la Bible française courante ici. Hein? Oui. Une foule immense faisait route avec Jésus. Il se retourna et dit à tous, celui qui vient à moi doit me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses soeurs et même à sa propre personne. Sinon, il ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour me suivre ne peut pas être mon disciple. Si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord calculer la dépense et voir s'il a assez d'argent pour achever le travail. Autrement, s'il pose la fondation sans pouvoir achever la tour, tous ceux qui verront cela se mettront à rire de lui en disant « Cet homme a commencé de construire, mais a été incapable d'achever le travail. » De même, si un roi veut partir en guerre contre un autre roi, il s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter son adversaire qui marche contre lui avec 20 000 hommes. S'il ne peut pas, il envoie des messagers à l'autre roi, pendant qu'il est encore loin, pour lui demander ses conditions de paix. Ainsi, ajouta Jésus, aucun de vous ne peut être mon disciple s'il ne renonce pas à tout ce qu'il possède. Le sel est une bonne chose, mais s'il perd son goût, comment pourrait-on le lui rendre? Il n'est alors bon ni pour la terre, ni pour le fruit. On le jette dehors. Écoutez bien si vous avez des oreilles pour entendre. Merci Samuel, que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Ce passage, ce petit passage que nous venons de lire, nous voyons que on nous dit que Jésus progressait avec la foule. Si nous allons au premier verset du chapitre 14, nous voyons qu'il était déjà en route. Et qu'est-ce qu'il faisait? Dans cette étape de « Suis-moi », Jésus enseignait. Et qu'est-ce que les gens faisaient? Ils écoutaient, n'est-ce pas? Si nous allons vers les premiers versets, il a procédé à des guérisons. Qu'est-ce que les gens voyaient? Jésus guérissait ces gens et ces gens regardaient. Ensuite, lorsque nous suivons toujours dans cette étape de « Suis-moi », Jésus était en train d'exercer son ministère et qu'est-ce que les autres faisaient? Ils s'étaient souvent émerveillés parce qu'ils le suivent et ils voient toutes ces merveilles qu'il faisait, ces guérisons, ils ne pouvaient qu'être émerveillés. Et quand il partait quelque part, les gens partaient avec lui. Voilà cette étape. Et dans notre texte ici, il nous parle de 3 gros obstacles qui peuvent empêcher quelqu'un d'être vraiment un disciple. Le premier obstacle se trouve au verset 26. Il a parlé d'une vérité. Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Voilà le premier obstacle. Le deuxième obstacle se trouve tout juste au verset 27, le verset suivant. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Et le dernier obstacle, enfin, se trouve au verset 33. Il a dit, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Nous allons voir de près ces 3 obstacles et comprendre ce que Jésus a dit, quelle est leur profondeur. Et en plus de cela, il nous donne 2 illustrations pour nous montrer le coût qu'il faut payer. La construction d'une tour ou encore un roi qui va à la guerre contre un autre roi. Pour montrer quel est le coût à payer lorsque on accepte de surmonter les différents obstacles qui sont là. Le premier obstacle, Jésus a dit que celui qui vient à lui, s'il ne hait son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, ne peut pas être son disciple. Je crois que si nous prenons le terme haïr dans son sens, dans son premier sens, nous allons dire que ça va en contradiction avec ce que le Seigneur lui-même dit. Dans la parole de Dieu, il dit quoi? D'aimer même notre ennemi. Et si maintenant on nous dit de haïr père, mère, ce sont les gens les plus proches de nous. C'est comme s'il y a une contradiction. Parce que ces gens ne sont pas vos ennemis. Ce sont vos parents, ce sont les gens plus proches. Haïr ici, je ne pense pas qu'on puisse le prendre dans son vrai sens. Haïr ici nous met devant, en fait, un choix. Il y a ce qui est de la volonté de Dieu et il y a aussi nos affections personnelles. lorsque une affection vous met devant le choix, c'est-à-dire vous oblige à choisir, à faire la volonté de Dieu, cela veut dire qu'il faut faire le choix de la volonté de Dieu. Et lorsque nous lisons dans la même Bible, nous voyons que Jésus n'a pas eu peur de faire ce choix-là. Il a dit, lorsqu'on est allé à lui pour lui dire que sa mère et ses frères sont venus, qu'ils veulent parler à Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il a coupé, il enseignait les gens. Il était en groupe avec les gens. Allez dans Marc 10, je crois. Il enseignait les gens, oui, qu'est-ce qu'il a dit? Ok. Donc, il a montré la foule qui était là. Et qu'est-ce qu'il a dit? Voici ma mère, mes frères, mes soeurs. Ce sont ces gens qui font la volonté de mon père. On pouvait dire que c'était peut-être une manière assez dure pour Jésus de dire, quand on dit que sa mère, surtout quand on dit sa mère est là, même si ce sont ses frères et soeurs, bon, ça pose pas de problème. Ils sont plus jeunes que lui, n'est-ce pas? Bon, et puis quand quelqu'un est plus jeune que vous pouvez lui dire d'attendre. Mais quand il s'agit d'une maman, quand on lui dit d'attendre, ce n'est pas poli, n'est-ce pas? Mais il a dit, non, voici ma mère, mes frères et mes soeurs. Il les a montrés. Lui-même a fait cela. Donc, ce qui veut dire que, parce qu'il faisait la volonté de Dieu, il enseignait les gens, il voyait que c'était assez important. Ce qui était aller parler avec les autres, ça peut attendre. Voilà le choix qu'il a fait. Et c'est ce qu'il veut dire. Et nous, nous trouvons souvent devant ces choix-là. Vous êtes un chrétien et puis un beau jour, on vous dit, bon, toute la famille se réunit au village, il faut que tu viennes parce qu'on doit faire le sacrifice de temps et temps. Bon, vous faites quoi? Vous dites, bon, on part et puis on ne fait pas? C'est comme ça? Moi, je pose la question. Qu'est-ce qu'on dit? La plupart du temps, si vous partez, ça veut dire que vous serez obligé de faire parce qu'on va vous faire la force. Parce que vous êtes déjà venu, n'est-ce pas? Mais si vous dites, ah, ma foi ne me permet plus de passer par là. Ah, on va dire, voilà, il se désolidarise de la famille. Il n'est plus prêt à s'engager. Pourtant, on a fait ça tout le temps. On a chaque année été, et voilà, brutalement, il dit qu'il n'est plus dans ça. Ça, ce n'est pas correct. Ça veut dire que vous devez vous attendre à de la résistance. Vous devez vous attendre à même de... On va vous agresser. Et on va vous dire beaucoup de choses. On peut même vous dire, bon, si c'est comme ça, tu fais tes choses seul. Nous aussi, si tu as quelque chose, on n'a plus rien à voir avec toi. Donc, ça veut dire que lorsque vous devez faire le choix entre ce qui est de la volonté de Dieu et de quelque chose qui a à faire avec une affection, qui est en contradiction avec la volonté de Dieu, vous faites le choix, bien sûr, d'aller dans la volonté de Dieu. Voilà ce que ça veut dire. Et cela exige beaucoup de choses. Cela veut dire que vous serez prêt, même souvent, à être, comment dirais-je, vous serez prêt à être maltraité, vous serez prêt à être choqué, vous serez prêt à ce qu'on vous fasse toutes sortes de choses parce que vous allez demeurer dans la volonté de Dieu. Et Jésus l'a dit, si nous lisons dans Jean au chapitre 4, lorsque ses disciples sont venus lui dire de manger, il a dit quoi? Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire de mon Père. Il mettait faire la volonté de Dieu en première position. Donc pour lui, il n'y avait pas autre chose. Voilà l'obstacle qu'un disciple doit. Si vous voulez être un disciple fidèle, voilà le premier obstacle que vous devez surmonter. Et il n'est pas petit, il exige de l'endurance, il exige de la détermination de votre part. Et c'est dans votre marche quotidienne que vous rencontrez ces différents obstacles. Vous allez les rencontrer et il faut tenir ferme. Et vous voyez, Jésus n'a pas amadoué ses mots, il n'a pas dit d'une manière souple. Non, il a dit de façon crue ce qui était à dire. Haïr son père, sa mère, ses frères et ses soeurs. C'est assez cru quand même. On va dire, mais ça va contre notre culture. C'est vrai. Mais voilà comment on peut, si on veut être un disciple de Jésus, voilà ce qu'il propose. Et lui, il l'a fait pour montrer que c'est faisable. Et comme le disciple imite son maître, ça veut dire que si on veut être le disciple de Jésus, on doit être prêt à imiter notre maître. Le premier obstacle, après le premier obstacle, parlons du second. Le second, c'est au verset 22. Au verset 27, il a dit, « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Et nous avons dit que souvent quand on dit porter sa croix, bon, les gens regardent la chose le plus simplement possible. Mais porter sa croix, ça a un sens. Lorsque on l'a amené à Gethsémani, on a fait quoi? Après l'avoir fouetté, qu'il n'était plus assez fort, on a pris la croix, lui dit de porter. Il était faible et on a mis ça sur le dos de qui? Vous vous rappelez? Quelqu'un d'autre a porté cela. C'est qui? Hein? C'est qui? C'est Simon? C'est Siméon? Porter la croix. Voilà, celui qui a... On a attrapé quelqu'un et puis on lui a dit... Conduis-le. C'est lui qui est parti avec la croix. Lui l'a pris. On nous a dit qu'il revenait du champ, non? Et puis on l'a attrapé et puis on lui a dit, bon, porte. Mais pensez à ce monsieur. Est-ce que la croix était quelque chose d'assez léger? C'était léger? C'était assez lourd. Et il a dit, celui qui ne porte pas sa croix, ça veut dire que c'est quelque chose, ça, il y a de la souffrance dans le port de la croix. Et c'est comme si vous portez, vous marchez vers votre mort. C'est ça, porter la croix. Parce qu'on va vous persécuter et vous pouvez même en mourir. Vous pouvez mourir de la persécution. Et l'apôtre Paul n'a pas caché cela. Si nous allons dans 1 Corinthiens au chapitre 15, le verset 31, si quelqu'un peut nous lire, l'apôtre Paul a dit, ça c'est une souffrance qu'il a tous les jours. 1 Corinthiens 15, le chapitre 1 Corinthiens 15, le verset 31. Quelqu'un peut lire cela pour nous? Vous dites votre version et puis vous lisez pour nous. 1 Corinthiens 15, 31. Oui. Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste même à la gloire dont vous êtes pour moi le sujet, à Jésus-Christ notre Seigneur. Ok. Chaque jour, je suis exposé à la mort. Et Paul disait cela. Il le disait, ce n'était pas une image. C'était la vérité. À cause de ce qu'on savait de qui était Paul avant et de ce qu'il est devenu maintenant, lui qui était dans notre camp et maintenant il est devenu un opposant, il faut le tuer. Et Paul a échappé à plusieurs attentats, n'est-ce pas? Et il a dit chaque jour, il est exposé à la mort. Voilà ce que ça veut dire porter sa croix. On est exposé et il faut accepter d'être exposé. Et demander la grâce de Dieu d'échapper toujours. Donc, porter sa croix, c'est également traverser des douleurs, une souffrance quotidienne même, intense. Porter sa croix, c'est aussi subir le mépris, la haine des autres à cause de l'amour que vous portez à Jésus. Porter sa croix, c'est également une maîtrise de soi parce qu'il faut que vous vous maîtrisez. Des gens vous maltraitent, vous insultent. Si vous répondez au coup, est-ce que c'est juste? On a dit que si on vous gifle sur une joue de donner l'autre. Mais si vous répondez, est-ce que vous avez montré un signe d'amour? Est-ce que vous avez montré que réellement vous êtes un disciple? Non, c'est compliqué. Pourtant, on a cette tendance-là. On vous a tapé et la tendance est de faire quoi? De taper fort pour que l'autre sache que vous n'êtes pas un faiblard. Mais la Bible vous dit non. Si on vous tape, acceptez simplement supporter le coup. Vous voyez? Cela veut dire que vous soumettez à une douleur intense. Vous arrivez à vous maîtriser, vous maîtrisez totalement vous-même devant des situations qui sont difficiles à gérer. Vous avez une maîtrise de vous-même. On finit par dire, mais le type là, on lui a fait ça, il n'a même pas répondu. Mais est-ce que c'est un homme même? Est-ce qu'il a même un cœur? On vous dit ça. Le disciple, selon ce que Jésus dit, doit être à mesure de le faire. Si vous suivez, on l'a fouetté, au lieu de se défendre, il y a eu beaucoup de choses, il avait la capacité de faire descendre des anges pour détruire tout ce monde-là. Jésus n'a pas discuté. Il a laissé, il a accepté. Et porter sa croix, c'est imiter également le maître. C'est accepter cela. Voilà un des obstacles. Vous qui m'écoutez, vous et moi, quand nous sommes devant cette douleur-là, quelle est notre réaction? Est-ce que nous le supportons? Est-ce qu'on se tait? Il arrive des moments où quelqu'un te dit, ah, tu as dépassé les limites, hein? Le chrétien ne doit pas faire ça, mais je vais te montrer qui je suis. Quand vous commencez à dire cela, est-ce que vous êtes chrétien encore? Vous êtes encore un bon disciple? Hein? Oui, vous avez l'habitude de faire ça parce que ce sont des chrétiens, vous faites comme ça parce qu'on dit qu'ils ne vont pas réagir. Un de mes collègues m'a dit un jour, mais écoute, pasteur, est-ce qu'il n'est pas bon que vous changez votre manière de prêcher à propos du mariage là? Je dis pourquoi? Il dit parce qu'il y a des femmes, parce qu'on a dit qu'on ne doit pas faire le divorce, elles fatiguent leur mari chrétien. Donc il faudrait qu'on change un peu les manières de dire les choses. Parce que si on dit jusqu'à la mort là, ça c'est un problème. Moi je dis, mais si on enlève jusqu'à la mort, ça devient un problème aussi. Ou bien? Hein? Si on enlève, je suis prêt à vivre avec elle, dans le bonheur comme dans le malheur, dans la douleur jusqu'à la mort. Si on enlève ce côté-là, les choses sont diluées, nous ne serons plus dans la volonté de Dieu. Il a dit non, parce que justement, ces femmes chrétiennes, protestantes là surtout, souvent elles fatiguent leur mari, parce qu'elles savent qu'on a dit que divorce n'est pas possible. Moi je dis non, si elle fatigue son mari, va demander à son mari aussi ce qui est derrière. Parce que moi je crois que si vous comportez tous les deux en chrétien, on ne va pas arriver à cet antagonisme-là. Je n'ai pas raison? Je pose la question, je n'ai pas raison? Ah. Ok, donc vous avez vu, les gens veulent diluer les choses. Parce qu'ils se disent, ah, il y a des situations où il faut qu'on permette ceci, qu'on permette cela. Si on ouvre cette voie, c'est fini. Et même des gars sont en train de parler de mariage sur contrat. Si on accepte ça, c'est un problème. Ça veut dire que vous vivez 2 ans. Si après vous vous rendez compte que ça ne va pas, on ne renouvelle plus. Est-ce que ça peut marcher? Ce n'est pas de Dieu. Ok. Donc, cette souffrance, on y va jusqu'au bout. Amen. Amen. Ceux qui sont dedans, comme ceux qui veulent plonger dedans, c'est comme ça. Voilà. Des gens sont dedans, ils ne sont pas morts là. Ou bien, voilà. On tient bon. Parce que si on dit, si la douleur atteint un certain stade, il faut laisser les choses, ça ne va pas marcher. Et c'est ce que Jésus dit. Lui, il a accepté d'aller jusqu'à la mort. Et il a dit, en tant que disciple, acceptons d'aller jusqu'à la mort. Parce que vous voyez, une chose est là. Il y a 2 vies. Celle que nous vivons ici et puis l'autre après. Laquelle est plus importante? Laquelle est plus importante? Hein? Ah, ah. Donc si, ici là, il faut faire des sacrifices jusqu'à atteindre l'autre, il faut le faire. Parce que si vous refusez ce sacrifice ici, quand vous allez arriver là-bas, vous n'allez pas l'avoir. Et ça sera une perte. Bon, je dis une perte pour que les gens comprennent. Parce que vous refusez, allez chez le médecin. Si on vous dit qu'on doit vous amputer un membre pour que vous puissiez vivre à cause de ceci et cela, si vous refusez qu'on ampute le membre là, vous faites quoi? Hein? Docteur, on fait quoi? Si on refuse de qu'on ampute le membre là, vous mourrez? Voilà. Donc c'est mieux qu'on vous ampute un membre et puis que vous continuez à vivre encore. C'est pas ça? Et les gens sont prêts pour ça. On dit qu'il faut amputer, il ne faut pas couper ici, il faut tout couper jusque là. C'est ce que Pierre a dit, non? Ok. Donc, mes frères et mes sœurs, voilà, nous qui disons que nous sommes disciples, voilà des difficultés, des obstacles devant lesquels nous réfléchissons, on marche, on tutube, on s'arrête et puis on dit, est-ce que je peux aller jusqu'au bout? Mais il faut aller jusqu'au bout. Christ a dit qu'il faut aller jusqu'au bout. 3e obstacle. Au verset 33, il a dit, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Je crois qu'il a donné l'illustration et lorsque nous allons dans Marc 10, nous voyons une conversation entre Jésus et ce jeune homme riche là. Je voudrais que quelqu'un aille dans Marc 10, il va lire à partir du verset 17. Marc 10, à partir du verset 17. Si vous l'avez trouvé, vous lisez pour nous. 17 à 23. Marc 10, quelqu'un a trouvé ? Précisez votre version et puis vous lisez. Oui. 17 à 23. Comme Jésus se mettait en route, un homme vint en courant, se jeta à genoux devant lui et lui demanda : Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ? Jésus lui dit : Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon à part Dieu seul. Tu connais les commandements : ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne prononce pas de faux témoignages contre quelqu'un, ne prends rien aux autres par tromperie, respecte ton père et ta mère. L'homme lui répondit : Maître, j'ai obéi à tous ces commandements depuis ma jeunesse. Jésus le regarda avec amour et lui dit : Il te manque une chose, va prendre tout ce que tu as et donne l'argent aux pauvres. Alors tu auras des richesses dans le ciel, puis viens et suis-moi. Mais quand l'homme entendit cela, il prit un air sombre et il s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. Jésus regarda ses disciples qui l'entouraient et leur dit qu'il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Vous ne dites pas amen? Amen. Ok. C'est compliqué. Mais c'est amen quand même. Voyez, le troisième obstacle, c'est cela. La difficulté de faire quoi? De renoncer à tous ses biens. Et quand on dit ses biens, ici, dans ce cas, on parlait des biens matériels. Sinon, vous voyez, des gens ont des biens plus que cela. Ils ont la connaissance. Ça, c'est pas un bien? Oui. Ils ont des honneurs. Ils ont leur position sociale. Jésus dit, il faut renoncer à tout cela. Mais la plupart du temps, bon, les autres aspects sont mis de côté, mais ce sont les biens matériels qu'on regarde. Et cet homme avait des difficultés. Ce jeune homme avait des difficultés. Il a dit qu'il a, depuis sa jeunesse, il a respecté tous les commandements. C'est comme si quelqu'un dit, depuis que je suis chrétien là, tout ce que la Bible dit, je respecte. Mais il y a quelque chose qu'il ne respecte pas. Voilà ce que Jésus lui a dit. Et pourquoi cela? Parce que les biens matériels sont également un piège. Ici, cet homme ne se comporte pas comme un intendant ou un administrateur des biens. Il se comporte comme quoi? Le propriétaire. Et moi, je vous pose la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est un propriétaire des biens qu'il a avec lui? Il y en a? Quelqu'un est propriétaire? Vraiment, tu es propriétaire des biens que tu as? Vraiment, n'a pas de réponse. Humainement, nous considérons que c'est pour nous parce que sa moto, c'est en son nom. N'est-ce pas? Si la police l'arrête, on vous dit il faut sortir la carte grise, c'est au nom de Traoré Draman. N'est-ce pas? Et puis si vous prenez, il sort la pièce, il monte, c'est pour lui. Mais ce n'est pas votre bien à vous. Parce que votre vie, là, ne vous appartient pas. N'est-ce pas? Ces enfants que Dieu nous donne, il nous les prête. Nous sommes prêtés à nos parents. N'est-ce pas? C'est pas cela? Donc nos vies ne nous appartiennent pas. Si ta vie ne t'appartient pas, tes biens peuvent être à toi. Je pose la question. Parce que c'est parce que tu vis que tu parles de bien. Mais si ta vie ne t'appartient pas, ta vie appartient à Dieu, tes biens appartiennent à Dieu. Et la plupart du temps, voilà la difficulté des disciples. Ils ne peuvent pas se considérer comme des simples administrateurs ou des intendants des biens qu'ils ont en main. Ils veulent se comporter en propriétaire de ces biens-là. Christ a bien précisé cela. Si vous ne pouvez pas renoncer à ces biens, et il a, même si vous lisez la suite du texte, il a dit, que servirait-il à un homme d'avoir tous les biens de ce monde s'il perdait sa vie? Personne n'ira là-bas avec ses biens. Des gens de grosses maisons, quand on les enterre là, on les enterre à la maison. ils ont de jolis costumes. N'est-ce pas? Mais le jour qu'on les enterre, là, la plupart du temps, c'est quoi? C'est percale, là. Ça coûte même pas cher. Bon, parce que qu'on vous habille, qu'on vous habille pas, c'est la même chose. Il y a quel changement dedans? Hein? Il y a un changement? Non. Qu'on vous mette en tenue, qu'on mette votre médaille, vos décorations, ça n'a aucun sens. Le tout sera mangé par les termites, la rouille, tout va rester dans le sol. Ça n'a pas de sens. C'est quand on vit qu'on porte un joli costume, on met la cravate, on met ses médailles, quand on marche, on fait la poitrine comme ça, quand on vous regarde, on sait, ah, le type là, c'est quelqu'un qui a beaucoup, mais il a fait la guerre d'Indochine, il a fait la guerre d'ici, il a fait ceci. Voilà, quand vous marchez, on vous regarde. Ça, c'est ici. Après cela, il n'y a plus rien. Voilà ce que Christ a dit. Ça fait des obstacles pour les disciples. Et je crois que chacun de nous se trouve devant ces obstacles et c'est presque tous les jours. Et pour montrer que cela, il y a un gros prix à payer, Christ a pris les deux exemples. Quelqu'un qui veut construire une tour, qu'est-ce qu'il dit? Si vous engagez dans la construction de la tour sans vous être assis pour calculer toutes les dépenses, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez finir par ne pas terminer. Et si vous ne terminez pas, qu'est-ce que les gens vont dire? C'est un déshonneur pour vous. N'est-ce pas? Charles n'est pas là ce matin. Mais je crois que quand on a voulu parler de construire chez nous là-bas, là, demandez à Bruce qui est un trésorier. Ce sont eux qui touchent à l'argent, ce sont eux qui gèrent. Lorsqu'on parle de ceci, ils disent oui, mais attendez, est-ce que dans le budget, là, il y avait ça? Vous avez vu? Ça, ce sont les mesures de prudence. Vous voulez faire comme ça? On vérifie, on voit le montant et on dit, on a dit qu'on construit jusqu'à quel mur? Jusqu'au mur? Bon, est-ce qu'on a parlé du toit? Bon, vérifiez, est-ce qu'il y a dans le budget ce montant-là? Vous voyez? Et je ne sais pas si quelqu'un a déjà construit une maison. Ceux qui ont déjà construit une maison savent ce que ça veut dire, même si c'est non loti là. Ce n'est pas de la blague, hein? Et même que souvent, beaucoup de gens aiment dire, si tu confies la construction de ta maison à ton ami, votre amitié va se gâter. Ce n'est pas vrai? Vous n'avez pas encore fait l'expérience, hein? Si vous êtes l'ami de quelqu'un, s'il vous confie, il n'est pas à côté, il est loin, il vous dit de l'aider, de superviser ses travaux. Mes frères, si vous voulez que votre amitié continue, il ne faut pas vous engager. Vous connaissez les raisons? Vous connaissez les raisons? Je vais vous donner les raisons. Les raisons, c'est que dans la construction, il y a tellement d'imprévus. Tellement d'imprévus. On dit souvent que quand on fait un projet, il faut mettre combien de pourcents comme imprévus? 10%. Pour la construction, si vous mettez 10, vous êtes à l'eau. Pour une construction, si vous mettez 10% d'imprévus, ça ne va pas marcher. Il faut monter 40%. Sinon plus. Parce que les imprévus peuvent prendre tout le budget. Et celui qui est en train de suivre, vous dites, mais comment il a fait? Il a bouffé votre argent. Voilà les problèmes commencent. C'est pourquoi, quand vous êtes l'ami de quelqu'un, vous engagez, c'est difficile. Donc, il faut, coûte que coûte, avant de construire cette tour, parce que c'est un investissement assez grand, ça exige beaucoup de moyens, il faut calculer jusqu'au bout, et puis on sait, on a suffisamment d'argent de côté, on peut aller jusqu'au bout. Voilà ce qui est demandé. Pour ne pas être déshonoré, il faut bien calculer. Deuxièmement, on vous parle d'un roi qui va en guerre contre un autre roi. Si vous êtes défait, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous serez encore roi? Non, bien sûr. Si vous allez en guerre, que vous perdez, ça veut dire quoi? Que vous n'êtes plus roi. On va retirer tout. Si vous avez la chance même de vivre, on vous envoie prisonnier. Donc, c'est une histoire de vie et de mort. C'est pourquoi il dit, on ne s'engage pas dans une guerre sans avoir calculé, sans avoir évalué la puissance qui est devant vous. La puissance que vous allez combattre et vous assurer que vous avez suffisamment de moyens humains et matériels pour pouvoir gagner. Mais si vous voyez que vous ne pouvez pas, pour éviter d'être déshonoré, de garder au moins votre position de roi et de garder toujours votre empire, on dit de faire quoi? Il faut envoyer négocier. pour montrer à quel point c'est les enjeux sont importants. Votre vie est en jeu. Et Christ veut dire, s'engager comme disciple, il faut que vous connaissiez, que vous évaluiez et que vous compreniez le coût que cela exige. Lorsqu'on s'engage comme disciple et qu'on n'a pas évalué ce coût-là, il va de soi qu'on ait des problèmes. Combien de chrétiens y a-t-il qui, en s'engageant, n'ont pas regardé le coût? Et lorsque on est devant un problème de famille, on ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire. On vous dit, mais comment? En tant que quoi? Comment? Tu dis quoi? Pour ces funérailles-là, voilà la part que tu vas payer. C'est toi qui vas payer même le prix du mouton là. Vous dites non, moi je ne rentre pas dans ça. On vous dit on ne s'est pas entendu là-dessus, tu vas le faire. Et vous dites quoi? Mais lorsque vous vous engagez en tant que chrétien, il faut que vous demeurez dans une position que tout le monde connaisse. Même si vous êtes petit, les gens savent que lorsqu'on parle de ces choses-là, on dit non. Lui, il ne faut pas le mêler parce qu'il ne va pas accepter. Si vous faites, vous allez le provoquer, il ne faut pas faire. Effectivement, si on va vers la personne, elle dit, vous-même, vous savez que dans ça, je ne rentre pas. Parce que vous avez affiché votre position et tout le monde sait que vous n'allez pas accepter parce que cela va contre vos convictions religieuses. Vous voyez? Et c'est bon souvent de s'arrêter. Qu'on sache quelle est votre position. C'est à un coup. Et ce coup, il faut être prêt à le payer. Voilà pourquoi Christ a dit, il a pris ces deux exemples pour montrer que c'est coûteux et il ne faut pas s'engager à la légère. Si nous nous engageons à la légère, nous allons avoir des obstacles et ces obstacles vont toujours nous engloutir. Notre marche avec le Seigneur ne peut pas marcher. Elle ne peut pas aller bien. Non. Voilà pourquoi il est bon que nous revoyons encore notre position, notre engagement. Ce n'est pas une chose aisée. Et quand on s'engage, il faut bien le faire. Nous ne pouvons pas avoir un pied avec Christ et l'autre pied en dehors de Christ. Ça ne marche pas. Si vous avez un pied dedans et un pied dehors, considérez que vous n'êtes même pas dedans. Oui, la parole de Dieu est claire là-dessus. C'est Christ que vous choisissez ou bien vous restez avec maman. Il n'y a pas deux positions. C'est nous les hommes qui avons des positions intermédiaires. Tu es au milieu d'abord, n'est-ce pas? Bon, on considère que celui qui est de l'autre côté, toi tu es mieux placé que lui. Non, il ne faut pas être... Il n'y a pas de position médiane. C'est comme le jour et la nuit. C'est le jour ou bien c'est la nuit. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a une période au milieu là. Ce n'est pas le jour, ce n'est pas la nuit. Non. Il fait jour, il fait jour, il fait nuit, il fait nuit. Voyez, nous devons nous rappeler de ces exigences. Si nous-mêmes... Nous ne sommes pas si exigeants avec nous-mêmes. Est-ce que nous pouvons conduire quelqu'un à Christ et puis vouloir qu'il soit aussi, qu'il marche dans ses voies convenables? Ce n'est pas possible. Mes frères et mes sœurs, il y a un prix, celui à payer. Et ce prix se paye tous les jours. Tous les jours, nous rencontrons des situations difficiles de corruption. Et en tant que chrétien, on dit quoi? Bon, comme c'est de l'argent... Et puis, de toute façon, il n'y a pas de problème. Prenons. Les autres prennent, moi aussi, je prends. Non. Si vous prenez, vous êtes de l'autre côté. Vous n'avez pas accepté montrer la différence. Vous êtes resté avec les autres et vous ne pouvez pas dire que vous êtes un disciple. Non. Un disciple fait la différence. Et à la fin, les derniers versets de la fin nous enseignent sur quelque chose d'assez important. Je veux que quelqu'un nous lise les deux derniers versets. Quelqu'un peut lire les deux derniers versets? Le verset 34 et 35, quelqu'un peut le lire pour nous? Luc 14, 34, 35. Vous précisez votre version et vous lisez. Avec quoi la saison il ne compte ni pour la terre, ni pour le fumier. On les jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Ok. Vous voyez, à la fin, on nous montre les deux faces de la chose. Si vous acceptez et vous surmontez ces obstacles-là, vous êtes comme le sel. Vous serez le sel. Et quand on répand le sel, qu'est-ce qu'il fait? Il assaisonne. Et vous allez assaisonner le monde. Votre témoignage sera bon. Vous allez impacter les gens. Partout, quand les gens vont parler, ils vont dire, ah, si c'est lui, on sait que lui, il a été un homme correct. Ce monsieur-là, on sait qui il est. Oui, c'est lui qui a fait ça. C'est lui qui a fait ça. Et ce qu'il a décidé de faire, il va le faire. Si nous sommes de vrais disciples, nous serons le vrai sel. Nous allons assaisonner le monde. C'est ce que Dieu demande de nous. Mais lorsque nous ne sommes pas de vrais disciples, qu'est-ce que nous devenons? Ça veut dire que nous avons perdu notre qualité de sel. Quand on nous jette, nous allons nous joindre au fumier pour faire quoi? Le fumier fait quoi? Ça fertilise, non? Si on vous jette dans le monde là pour que vous fertilisez le monde, vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez les aider dans leur mauvaise manière de faire les choses. Et c'est ça. Quand quelqu'un n'est pas un bon disciple, il fait quoi? Vous n'avez jamais entendu? Quand on vous montre le type là, on dit, ah, c'est un prêtre raté. Si on dit prêtre raté là, derrière, vous voyez quoi? Hein? Vous ne voyez pas les témoignages qui sont derrière? Quand on dit c'est un prêtre raté, vous voyez derrière quoi? Ce sont les gens qui aiment femme. Hein? On vous dit, il a un enfant ici, il a un autre ici, il a un autre ici. Bon, le prêtre, normalement, il s'abstient. Vous avez vu? Il devient le contraire. Si on vous dit qu'il a été au séminaire jusqu'à... Après, il devait même prendre la soutane et puis il s'est retiré. Quand on vous montre sa vie, vous allez secouer la tête. C'est comme s'il se rattrape. N'est-ce pas? C'est le contraire. Et on voit qu'il fait tout mal. C'est la même chose aussi quand vous vous trouvez devant des chrétiens qui repartent. Ils font quoi? Ils boivent. N'est-ce pas? Ce sont des gens qui ne font pas bien les choses. Ils font le mal.